إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد On tue dans l'explication de l'Ouajis في فقه السنة والكتاب العزيز La semaine dernière, on avait continué à énumérer les actes qu'il était interdit de faire lorsque la personne est en état de sacralisation. On avait cité le cinquième et sixième point qui était le fait de l'interdiction de se couper les ongles ni d'enlever des poils de son corps ou de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux. La preuve dans le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jalla: « Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah » et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que la bête soit égorgée, c'est-à-dire au dixième jour de Dhul-Hijjah. Et concernant l'interdiction de se couper les ongles, cela fait l'unanimité des savants. La preuve est l'unanimité des savants sur ce sujet. Et on avait cité le hadith de Ka'b ibn Ujrah, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de se raser la tête, car il avait une maladie dans son cuir chevelu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se raser la tête et de faire en compensation. Quelle était la compensation qu'il devait faire? De nourrir ses pauvres. Ou bien alors, il y a trois choses. Il avait le choix de faire trois choses. Soit tuer une bête. Soit égorger une bête. Soit jeûner. Soit jeûner. Combien? Un jour, deux jours? C'était un jour par pauvre, non? Soit de jeûner. Trois jours. Aosum thalathata ayyam. Ou bien de nourrir six pauvres et de leur donner au total l'équivalent de trois sa'a, ce qui revient à un demi sa'a par pauvre. Donc il est autorisé pour celui qui est atteint de maladie ou qui a un besoin imminent de se raccourcir les cheveux ou de se raser la tête, il lui est autorisé de le faire si cela est justifié, et il doit faire en compensation soit jeûner trois jours, soit sacrifier une bête, ou bien alors de nourrir six pauvres. Le huitième et le neuvième sont interdits également, le septième étant le fait d'avoir des rapports et tout ce qui le précède, d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Le huitième acte interdit, c'est de faire des interdits et des désobéissances en général, et également de polémiquer et de se disputer. Ces trois choses sont réunies dans un seul et même verset qui est Al-Hajjou. أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث point de رفث c'est à dire الرفث الجماع ودواعي c'est les rapports intimes avec son épouse et tout ce qui les précède فلا رفث ولا فسوق et point de perversité qui signifie le fait de sortir et de se dévier de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on comprend de cela toute désobéissance. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Et point de polémique pendant le pèlerinage. Point de dispute. Si tu es amené à polémiquer et que cela a pour conséquence que tu t'énerves ou que ton interlocuteur s'énerve, tu dois t'abstenir sur le champ. Ensuite, le dixième et onzième acte qu'il est interdit de faire, c'est de se marier et de marier autrui. De se marier, de marier autrui, mais également de demander en mariage. Donc il est interdit de se marier, de demander en mariage et de marier autrui. De se marier soi-même, de demander en mariage une sœur, ou bien de marier sa fille ou la personne que tu as sous ta tutelle. Et celui qui fait cela, le mariage n'est pas accepté. Celui qui se marie en état d'ihram ou qui marie en état d'ihram, eh bien, son mariage est invalide et doit le refaire, comme l'ont attesté les savants. Le douzième acte qui est interdit, c'est la chasse, de chasser les animaux, tous les animaux qui ne sont pas des animaux de mer. Il est interdit de les tuer, de les égorger, ou de faire un signe vers eux en les montrant, ou bien de donner une information utile qui pourrait servir à un chasseur qui lui n'est pas en état d'ihram d'attaquer cette proie. Et l'interdiction est claire dans le Coran lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Et il vous est interdit de chasser. Donc il est interdit de chasser des animaux qui ne sont pas des animaux de mer tant que tu es en état de sacralisation. On avait cité le hadith de Abu Qatada radiallahu anhu qui avait chassé une ânesse sauvage en compagnie d'autres compagnons radiallahu anhum qui eux à la fois étaient en état de sacralisation, qui eux étaient en état de sacralisation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de consommer de cette bête qui a été chassée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré avant de donner cette autorisation de deux choses. Qu'il ne l'avait pas informé, qu'il ne l'avait pas demandé de chasser. Non. Est-ce que l'un d'entre vous lui a demandé de le faire, ou est-ce que l'un d'entre vous a fait un signe vers cet animal pour qu'il le chasse? Ils ont dit non, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fakulu, mangez donc. Donc les savants ont déduit de ce hadith qu'il est interdit de montrer, pour celui qui est en état de sacralisation, de faire un signe vers une bête ou de donner des informations utiles à un chasseur qui lui n'est pas en état de sacralisation. Et on avait cité plusieurs détails de cela. Et la treizième acte qui est interdit de faire, c'est de manger la bête qui a été chassée pour toi. Toi qui es en état de sacralisation, si quelqu'un chasse un animal afin de te nourrir, toi et personne d'autre, eh bien, il t'est interdit à toi, qui est en état de sacralisation, de consommer cette bête, car ainsi avait fait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait chassé une ânesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de la manger. Ensuite, on avait parlé des actes qui annulent le pèlerinage. Le premier acte qui annule le pèlerinage, c'est d'avoir des rapports intimes avec son épouse avant la lapidation de la grande stèle. Ça suffit comme information? Ou est-ce qu'il faut être plus précis? Le dixième jour. Avant la lapidation de la grande stèle de Jamrat al-Aqaba, le dixième jour qui est le jour de l'Aïd, car la grande stèle est lapidée aussi les jours suivants. La grande stèle est lapidée aussi les jours suivants, elle est lapidée avec les deux autres également, la petite et la moyenne. Et lorsque l'homme ou le mari a eu des rapports avec son épouse en état d'ihram, après avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd, est-ce que la validité de son pèlerinage est remise en cause? Non, la validité n'est pas remise en cause, mais il a fait un péché. Il a fait un péché, on va voir, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il devra faire comme compensation, car il y a plusieurs choses qui incombent à celui qui a eu des rapports avec son épouse avant d'avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd. La première chose, c'est déjà qu'il a fait un péché. La seconde, c'est l'annulation de son pèlerinage. La troisième, qui est le fait de de continuer son rite, il doit terminer tous les rites du pèlerinage. Et la quatrième chose qu'il incombe également, de recommencer, de refaire son pèlerinage l'année suivante, s'il en a la possibilité. Non, le cinquième point, c'est Al-Fidya. Le cinquième point, c'est Al-Fidya, c'est le fait de, d'égorger une bête. On verra, Inch'Allah, quelle bête doit égorger celui qui a fait cet acte interdit. Et la seconde chose qui annule le pèlerinage, c'est de délaisser un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Et les piliers du pèlerinage sont Al-Ihram, Al-Wukuf bi'Arafa, Al-Mabit bil-Muzdalifa, Naam, Al-Tatatra'u bil-Muzdalifa, Al-Tatra'u al-Fajr. Qu'est-ce qui est un rukn? C'est Al-Mabit bil-Muzdalifa ou bien Salat al-Fajr bil-Muzdalifa? Non, pour Cheikh Al-Albani, c'est Salat al-Fajr. Pour les autres, c'est le Mabit. C'est Mabit jusqu'à ça. Non, il y a très peu de savants qui disent que c'est le Mabit. La plupart des savants disent que c'est une obligation. Un Al-Mabit avec le Muzdalifa, c'est une obligation et ce n'est pas un pilier. Que c'est une obligation et ce n'est pas un pilier. Et très, les savants qui considèrent que Al-Mabit ou le Muzdalifa est un pilier sont très, très peu nombreux. Et Cheikh Al-Albani, lui, ne considère pas le Mabit ou le Muzdalifa comme un rukn, mais Salat al-Fajr. Et les savants qui considèrent Salat al-Fajr comme un pilier parmi les piliers du pèlerinage sont eux aussi peu nombreux. Et la plupart des savants considèrent que Al-Mabit ou le Muzdalifa n'est pas un pilier de l'islam, un pilier du pèlerinage, mais une obligation du pèlerinage. Donc il y a Al-Ihram, il y a Al-Wukuf ou Bi'Arafah, il y a Tawaf, Al-Ifada, et il y a aussi Al-Sa'i. Il y a Al-Sa'i Bayna Al-Safa Wal-Marwa. Donc celui qui délaisse un de ses piliers et qui n'a pas la possibilité de le refaire, comme celui qui a loupé Al-Wukuf ou Bi'Arafah, eh bien son pèlerinage est nul et il est obligé de le refaire l'année suivante, s'il en a bien sûr la possibilité. Ensuite, on avait parlé des actes qui étaient interdits de faire lorsque la personne entre dans la terre sacrée. Et les terres sacrées en islam sont au nombre de deux. Il y a Mecca et Al-Madina. Il y a la Mecque et Médine. Et les délimitations de l'haram sont bien connues en islam. Ce n'est pas quelque chose qui est deviné, mais c'est quelque chose qui est attesté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et connu depuis. Est-ce que le hudud al-haram, la délimitation de la terre sacrée de la Mecque, a été faite lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou alors bien avant? Bien avant l'arrivée de l'islam, la terre sacrée était déjà délimitée et connue de tous. D'accord? Il y a, comme je vous avais fourni le schéma, qui délimite la terre sacrée avec les montagnes qui sont connues et qui sont utilisées comme des repères pour savoir lorsque la personne entre ou sort de la terre sacrée de la Mecque. Et quant à Médine, quand est-ce qu'elle est devenue sacrée? Qui l'a rendue sacrée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu sacré Médine comme Ibrahim alayhi salam a rendu sacré la Mecque. Donc le Madina, Médine, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a délimité la terre sacrée en donnant les deux montagnes qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre ces deux montagnes, eh bien, il y a la terre sacrée de Médine. Et on avait dit qu'il n'y avait que deux endroits sacrés en islam, et il n'en avait pas de troisième. Et lorsque l'on parle d'une terre sacrée, c'est-à-dire une terre dans laquelle il y a des choses qui sont interdites de faire et qui sont autorisées en dehors de ces terres sacrées. Parmi ces choses qui sont interdites, il y a le fait de chasser les animaux ou les oiseaux, ou bien d'aider à leur chasse. Donc concernant al-muhrim, celui qui est en état de sacralisation, il lui est interdit de chasser, qu'il soit dans l'enceinte de la terre sacrée ou non. À partir du moment où il est en état de sacralisation, il lui est interdit de chasser les animaux terrestres ou les oiseaux. Et les oiseaux. Quant à celui qui entre dans la terre sacrée de la Mecque et de Médine, il lui est interdit de chasser, qu'il soit en état d'ihram ou non. Qu'il soit en état d'ihram ou non. De même qu'il est interdit de couper les arbres de la Mecque et de Médine, et qu'il est interdit d'arracher l'herbe, ni de couper quoi que ce soit qui fait partie des plantations de la Mecque et de Médine. De même qu'il est interdit de porter des armes à la Mecque et à Médine. Il est interdit de porter des armes, sauf en cas de nécessité, comme le font les forces de l'ordre saoudiennes, qui ont eux l'autorisation de porter des armes, car le besoin est connu de tous. De même, la quatrième chose qu'il est interdit de faire, c'est couper les branches de l'arbre ou l'arbre, ou arracher les feuilles. Les objets trouvés, saint. Il est interdit de prendre des objets trouvés. Il est interdit de le prendre pour ceux qui viennent en pèlerinage ou en umrah. Et quant à ceux qui sont habitants de la Mecque, est-ce qu'il leur est autorisé de la prendre? Oui, mais à quelles conditions? C'est qu'ils recherchent la personne et le propriétaire de cet objet. Qu'ils le recherchent combien de temps? Qu'ils le recherchent un an? Tout le temps. Qu'ils le recherchent tout le temps. Et c'est justement la particularité de la terre sacrée. En dehors de la terre sacrée, lorsque tu trouves quelque chose, tu as le droit de la prendre et de rechercher son propriétaire pendant un an. Au bout de un an et un jour, après, malgré tes efforts et tes recherches, si tu n'as pas trouvé le propriétaire, cet objet t'appartient. Quant aux objets trouvés de la Mecque et de Médine, lorsque tu l'as trouvé et que tu la prends uniquement pour retrouver son propriétaire et non pas pour te l'approprier, alors cela est autorisé et tu dois rechercher sans cesse, même si cela dure 10, 15, 20 ans, 30 ans, tu n'as pas le droit d'utiliser ni de t'approprier cette chose. Et si c'est trop dur pour toi de rechercher le propriétaire, eh bien remets cet objet aux autorités qui ont des services bien réservés à cela. Et la preuve de tout cela est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini ou a dit que la terre ou la terre sacrée, en parlant de la Mecque, est une terre qu'Allah Azza wa Jal a rendue sacrée depuis le jour où il a créé les cieux et la terre, et que cette terre restera sacrée jusqu'au jour du jugement, et qu'il est interdit de tuer ou de combattre dans cette ville. Il a été interdit à tous ceux qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les envoyés et les prophètes, de même qu'il est interdit à tous ceux qui sont venus ou à tous à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, et que le combat a été autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelques heures d'une seule journée. Allah Azza wa Jalla a autorisé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre à la Mecque entre eux, on avait dit, entre Salat al-Subh et Salat al-Asr, entre Salat al-Subh et entre la prière du Subh et la prière de l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de couper les arbres, a interdit de faire peur ou de nuire à ces animaux, et de prendre un objet trouvé sauf pour celui qui a l'intention de retrouver le propriétaire, de même qu'il est interdit d'arracher les herbes et les plantes ou les fleurs de la Mecque, sauf une seule plante qui est al-Izhir, qui est autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour fermer les tombes et pour, ils utilisaient aussi les frères pour construire les toits de leur maison. Et concernant l'interdiction de porter des armes, le hadith est clair, le hadith de Jabir radhiallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il est interdit à quiconque de porter une arme à la Mecque. Donc l'enregistrement s'était arrêté ici. On continue. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من أشاد بها أي أنشدها ولا يصلح لرجل أن يحمل بها أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. Et selon Ali, donc ici l'auteur a cité le hadith qui prouve que cela est interdit, que tous ces actes sont interdits à la Mecque, et il cite ensuite le hadith de Ali radiallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire à Médine, que son herbe ne doit pas être arrachée, que ses animaux ne doivent pas être effrayés et que les objets trouvés ne doivent pas être appropriés sauf pour celui qui recherche son propriétaire, et qu'il est interdit à un homme de porter ou d'avoir une arme à Médine, et qu'il est interdit également de couper les arbres de Médine sauf pour celui qui a besoin de nourrir son sa bête, sauf pour celui qui a le besoin de nourrir sa bête. Donc ici dans ce hadith de Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, et il y a une particularité qu'il n'y a pas à la Mecque, c'est qu'à Médine il est autorisé de couper d'un arbre pour nourrir sa bête, chose qui n'est pas autorisée à Mecca, chose qui n'est pas autorisée à la Mecque qu'en cas de force majeure. Et à Médine cela est autorisé en cas de nécessité. Et il y a une différence entre le cas de force majeure et le cas de nécessité. Et il y a dans ce hadith également une preuve que la Mecque est une terre qui est beaucoup plus sacrée que Médine, et que la Mecque est meilleure, que la ville de la Mecque est meilleure que la ville de Médine. Et il y a un hadith authentique à ce sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé à la Mecque en disant: innaki ahabbu biladillahi ila Allah, tu es la ville la plus aimée chez Allah. Walaula anna qawmaki akhrajuni minki ma kharajtu. Et si ton peuple ne m'avait pas sorti de toi ou ne m'avait pas expulsé de toi, je ne serais pas sorti. Je ne serais pas sorti. Donc, la ville de la Mecque est une ville qui est meilleure que la ville de Médine, et les différences, et il y a des différences qui prouvent que la Mecque est beaucoup plus sacrée et meilleure que la ville de Médine, comme la prière, comme la prière sainte, la prière à la Mecque, dans la mosquée de la Mecque qui vaut 100 000 prières, et la mosquée une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en vaut 1000. De même que la ville de la Mecque a été rendue sacrée dans le Coran. Or, la ville de Médine a été rendue sacrée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la ville de la Mecque fait l'unanimité des savants. Son caractère sacré fait l'unanimité des savants. Quant à Médine, il y a une divergence des savants à ce sujet. De même que celui qui tue ou celui qui chasse à la Mecque, donc on a vu qu'il était interdit de chasser à la fois à la Mecque et à Médine. Mais il y a une différence pour celui qui a chassé à la Mecque et celui qui a chassé à Médine. Celui qui a chassé à la Mecque devra donner une compensation. Quant à celui qui a chassé une bête à Médine, est-ce qu'il aura une compensation à donner, ou est-ce qu'il a uniquement le mal d'avoir chassé un animal? On n'avait pas vu ça la semaine dernière? Non. Et les savants disent qu'il n'y a pas de preuve que celui qui chasse un animal à Médine doit donner une compensation. Quant à la Mecque, La preuve est claire et évidente, et c'est justement le chapitre qui suit. جزاء قتل الصيد يقول المؤلف جزاء قتل الصيد quel est ou ce qui incombe à celui qui a tué ou à celui qui a chassé un animal. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Donc Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, ô vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état d'ihram. Et ceux parmi vous qui tuent de façon volontaire, eh bien qu'ils compensent cela par une bête de troupeau. فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Et les bêtes de troupeau sont les ovins et les bovins. Les ovins, les chameaux, les ovins et les bovins. Qu'il compense alors par une bête de troupeau semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien alors par une expiation en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne, ceux-ci afin qu'ils goûtent à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, afallahu amma salaf, mais quiconque récidive ou quiconque recommence, Allah subhanahu wa ta'ala le punira. Allah est puissant et c'est lui qui a le pouvoir de punir. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla s'exprime aux croyants en leur interdisant de chasser, de tuer le gibier. Wa antum hurum, en état de sacralisation. Et ici, les savants ont expliqué wa antum hurum, c'est-à-dire que vous soyez en état de sacralisation, ou bien lorsque vous êtes dans l'enceinte du haram, de la terre sacrée. Lorsque vous êtes dans l'enceinte de la terre sacrée, c'est-à-dire la terre sacrée de la Mecque ici. La terre sacrée de la Mecque. Ils ont utilisé comme preuve le fait que Uthman radiallahu anhu a été tué wa huwa muhrim. Qutila wa huwa muhrim, alors que Uthman radiallahu anhu a été tué à Médine. Il n'était pas dans la terre sacrée de la Mecque en état d'ihram. Donc ils ont déduit parmi la preuve ce qui a été cité dans l'assassinat de Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. Donc ici Allah Azza wa Jal interdit de tuer le gibier. Et le gibier, comme on l'avait vu la semaine dernière, c'est tout animal qui est domestique, c'est-à-dire tout animal qui n'est pas domestique. Sauvage. Un animal sauvage qui ne fait pas partie des animaux de la mer et qui soit autorisé à la consommation. Donc l'animal qu'il est interdit de chasser, c'est un animal qui n'est pas un animal de mer, c'est peut-être un animal terrestre ou un oiseau, qui est autorisé à la consommation et qui est sauvage. Et on peut dire encore plus que sauvage, c'est-à-dire qui est à l'origine sauvage. Qui est sauvage à l'origine. Car il peut y avoir des animaux qui soient domestiques et lorsqu'ils sont délaissés, deviennent sauvages. Cela n'entre pas dans l'interdiction car à la base ils sont domestiques et non sauvages. Donc il est interdit de les tuer en état de sacralisation ou lorsque la personne est dans la terre sacrée de la Mecque. Et celui, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا, et celui d'entre vous qui le tue délibérément, de façon volontaire. Et ici, il y a divergence de savants. Certains savants ont considéré que cela concerne celui qui le fait volontairement. Celui qui le fait par oubli, ou celui qui le fait par ignorance, eh bien, il n'aura pas, ni la suite du verset ne le concerne pas. C'est-à-dire l'expiation qu'il doit faire ou la réparation qu'il doit faire ne le concerne pas. Et les savants qui disent que celui qui l'a fait par oubli ou par erreur n'a pas de réparation à faire, ils utilisent la parole d'Allah Azza wa Jalla parce qu'il dit « Rabbana la tu'akhidna inna sina ou akhtana » ou « Allah ne nous prend pas sur des choses que l'on a faites par oubli ou par erreur. » Et les autres savants ont dit que lorsque la personne chasse un gibier, elle le tue. Donc il y a une perte. Et toute perte doit être compensée, qu'elle soit faite de façon volontaire ou de façon involontaire. Si par exemple tu fais des travaux chez toi et qu'un ustensile tombe de ta fenêtre, et que tu casses le pare-brise de la voiture qui est en dessous. Tu l'as fait de façon volontaire ou non? Non. Tu l'as fait de façon involontaire. Mais le pare-brise est cassé. Est-ce que tu dois le rembourser au propriétaire de la voiture? Oui. Pour ça que les savants disent, lorsque tu as porté atteinte à un bien d'autrui, ou au bien des créatures, de façon volontaire ou involontaire, tu dois faire réparation. Et ici, dans ce cas, tu n'as pas de péché. Est-ce que tu as fait un péché dans cela? Non. Car tu l'as fait de façon involontaire, par oubli ou par erreur. Si tu l'avais fait de façon volontaire, alors deux choses seraient valables sur toi. La première, c'est que tu as fait un péché. Et la seconde, c'est que tu dois réparer ton erreur. Et les savants disent, et quant aux choses qui incombent à Allah, eh bien, elles sont pardonnées par erreur, lorsque tu les fais par erreur et pas ou par oubli. D'accord? Et d'autres savants ne voient pas cette différence entre les biens des créatures et le droit du Créateur. Vous avez compris ou pas? Par exemple, c'est pas un héritage qui nous appartient, et je sais pas, par un coup de vent, elle va diminuer. Par exemple, si tu as oublié de faire ta prière, et tu t'en es rendu compte un mois après. Là, est-ce que la prière est un droit d'Allah sur toi? Oui ou non? Oui, tu dois faire la prière. Alors, Azza wa Jalla te le demande. Donc tu dois faire ta prière, mais tu ne l'as pas fait, par oubli. Tu t'en es rendu compte que un mois après. Lorsque tu te rends compte que tu as oublié une prière un mois après, est-ce que tu dois la refaire? Non. Tu ne dois pas la refaire, car le temps est beaucoup trop long. Et ici s'applique la parole d'Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ou Allah ne prend pas en compte. Et elle ne nous prend pas dans les oublis et dans les erreurs. Non. Et par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, voilà, celui qui oublie de faire... Non. Man nam an salatin aw nashiha falyusalliha idha dhakaraha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dort pendant une prière ou qui l'a oublié, qui l'a pris au moment où il s'en rappelle. On avait expliqué, on avait donné l'explication des savants à ce sujet, c'est que tout dépend du moment où il s'en rappelle. Tout dépend du moment où il s'en rappelle. Si c'est un moment qui est proche, alors qu'il la fasse. Certains ont estimé, comme Cheikh Ibn Baz rahimahullah, à 2 ou 3 jours. Mais au-delà de ce délai, la prière est, tu n'es pas obligé de la rattraper. Donc certains savants séparent entre le droit d'Allah et le droit des créatures. Et d'autres considèrent que les deux sont identiques. Et que quand tu dois quelque chose, elle est de matériel, et que tu l'as délaissé par oubli ou par erreur, que tu dois le restituer dans la mesure du possible. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation ou lorsque vous êtes dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque, et celui d'entre vous qui l'a tué de façon volontaire, alors qu'il compense par l'équivalent de ce qu'il a tué parmi les bêtes de troupeau. Parmi les bêtes de troupeau. Donc ici, les savants disent qu'il doit égorger ou sacrifier un animal qui ressemble à celui qu'il a tué. Par exemple, celui qui a tué une gazelle. Celui qui a tué une gazelle. Qu'est-ce qu'il doit sacrifier comme bête parmi les bêtes de troupeau? Et celui, par exemple, qui tue, et pour donner un exemple beaucoup plus explicite, celui qui tue une vache sauvage. Parce qu'il y a des vaches qui sont sauvages. Celui qui tue une vache sauvage, celui qui chasse une vache sauvage, qu'est-ce qu'il doit donner en compensation? Il doit tuer son homologue. Voilà, il doit tuer, parmi les bêtes de troupeau, celle qui est semblable à celle-ci. En l'occurrence, ici, ce serait de sacrifier une vache domestique. D'accord? Pareil, pareil pour les animaux qui se ressemblent. D'accord? Ensuite, on va voir, inchallah, les détails lorsque l'animal ne se ressemble pas. Lorsque les animaux ne se ressemblent pas, qu'est-ce que la personne doit sacrifier? Donc, qu'il compense par un animal semblable parmi les bêtes de troupeau, yahkumu bihi dhawa adlin minkum, et qui juge que telle bête ressemble à telle bête sauvage ressemble à telle bête domestique, ce sont deux hommes justes parmi vous qui vont juger, qui vont dire à cette personne qui a chassé en état d'ihram, c'est-à-dire voilà, tu as tué telle bête, tu dois maintenant sacrifier, pour réparer ton erreur, telle bête parmi les bêtes domestiques. Et ici, Allah Azza wa Jal parle de jugement, et quand on parle de jugement, cela implique que les personnes qui jugent savent de quoi elles parlent. Donc, elles doivent être justes, mais elles doivent être aussi compétentes et connaître les différents animaux et les choses qui les traits qui font qu'un animal ressemblerait à un autre. Hadiyan balir al-Ka'ba. Hadiyan balir al-Ka'ba. Un sacrifice qui doit atteindre la Ka'ba. Et ici, les savants sont unanimes pour dire que la bête doit être sacrifiée à la Mecque. Et non pas la Ka'ba, tu n'es pas obligé de venir jusqu'à la Ka'ba pour sacrifier la bête, mais de sacrifier la bête à la Mecque et de distribuer ou kaffaratun ta'amu masakin ou kaffaratun ta'amu masakin, ou bien alors de nourrir des pauvres, ou bien alors de nourrir des pauvres, ou adlu dhalika siyaman, ou bien l'équivalent en jeûne. Ou bien alors l'équivalent en jeûne. Et ici Allah Azza wa Jal a utilisé aw. Et la parole aw, c'est-à-dire ou en arabe, lorsqu'elle est citée dans le Coran, elle veut dire le choix. À chaque fois que kalimat aw est citée dans le Coran, fahiya littakhir, elle donne le choix. Sauf lorsqu'Allah Azza wa Jal montre le contraire. Sauf lorsqu'Allah Azza wa Jal montre le contraire. Par exemple, dans d'autres jugements, comme elle l'a miyajit, fasiyamu shahrayni mutatabi'ain. Comme Allah Azza wa Jal dit, lorsqu'il ne parle pas de choix, celui qui n'a pas la possibilité alors qu'il jeûne. En d'autres versets, Allah Azza wa Jalla parle dans d'autres jugements, celui qui n'a pas la possibilité alors qu'il fasse ceci. Et ici, il faut suivre l'ordre qui a été cité par Allah Azza wa Jalla. Mais quant à la réparation après avoir chassé un animal en état d'ihram ou dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque, ici, la personne a le choix soit de sacrifier une bête équivalente parmi les bêtes de troupeau, soit de nourrir des pauvres, ou soit de jeûner l'équivalent en jeûne. Et ici, comment définir le nombre de pauvres à nourrir? Car ici, Allah Azza wa Jalla dit, ou bien de nourrir des pauvres. Mais combien de pauvres? Par rapport à la bête. Les savants disent que par rapport à la bête qui a été chassée et tuée, on doit prendre son équivalent, estimer sa valeur. Et de cette valeur, on doit acheter de la nourriture, et de cette nourriture, on nourrit les pauvres. De cette nourriture, on en déduit le nombre de pauvres à nourrir. Sachant que les savants disent que l'on doit donner pour chaque pauvre un moud. Que l'on doit donner pour chaque pauvre, dans ce cas-là, un moud. Un moud qui est... Qu'est-ce qu'un moud? C'est ce que contiennent les deux mains ouvertes et jointes. C'est ce que contiennent les deux mains ouvertes et jointes. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. Ou bien l'équivalent en jeûne. Comment déduire le nombre de jours de jeûne à jeûner? Il est déduit en fonction du nombre de pauvres. Et le nombre de pauvres est déduit en fonction de la valeur de la bête. Donc pour trouver le nombre de jours à jeûner, il faut d'abord estimer la valeur de la bête. De ceci, trouver combien de pauvres doivent être nourris à Fouane. Soit ces pauvres sont nourris, ou soit alors on jeûne pour chaque pauvre un jour. Donc si la bête est estimée par exemple à une valeur qui permet de nourrir 30 pauvres, la personne, soit elle nourrit 30 pauvres, ou soit elle jeûne 30 jours. Et Allah Azza wa Jalla dit, et ceci afin qu'il ressente la mauvaise conséquence de son acte. Et Allah Azza wa Jalla dit, afa Allahu amma salaf. Et Allah Azza wa Jalla pardonne ce qui est passé. C'est-à-dire celui qui l'a fait, qui a chassé une bête délibérément, et qui a compensé son erreur, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et celui qui recommence, فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ. Alors Allah Azza wa Jalla le punira. Allah Azza wa Jalla le punira, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le tout puissant, et celui qui a le pouvoir de punir. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ما تولد منه ومن غيره فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها والجمهور على تحريم قتلها أيضا وليستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين. Donc l'auteur cite ensuite la parole de Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son tafsir, qui explique ce verset de surat Al-Ma'idah, le verset 95 de surat la table servie. Donc Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dit, et ceci est une interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala de tuer le gibier en état d'ihram, en état de sacralisation, et une interdiction de faire ceci, c'est-à-dire de chasser. Et l'on comprend de cela que c'est ce qui est interdit, c'est de chasser les animaux qui nous sont autorisés à la consommation. Min haythu al-ma'na al-ma'kul walaw ma tuladu minhu wa min ghayrihi. Walaw ma tuladu minhu wa min ghayrihi. Et si les savants ont dit que il est interdit de tuer un animal que tu as le droit de consommer, même s'il a été mis au monde par un animal qui lui est interdit à la consommation. Car il peut y avoir un croisement entre un animal qui est autorisé et un animal qui est interdit à la consommation. Et ici, les savants disent que c'est le côté interdit qui l'emporte sur le côté autorisé. Les savants disent ici que c'est le côté interdit qui l'emporte sur le côté autorisé. Et quand, donc Al-Hafidh Ibn Kathir dit, et quand aux animaux que l'on n'a pas le droit de manger, selon Al-Imam Shafi'i, il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de le tuer. Et la plupart des savants considèrent qu'il est interdit également. C'est-à-dire qu'il est interdit de tuer les bêtes, qu'elles soient autorisées à la consommation ou non. Et j'ai un doute sur le fait que ce soit l'avis de la plupart des savants. Parce qu'il y a une parole de l'imam Ahmed rahimahullah qui dit le contraire, qui dit que la plupart des savants considèrent que les bêtes ou les animaux qui sont interdits à la chasse en état d'ihram ou dans l'enceinte de la terre sacrée sont les animaux qui sont autorisés à la consommation. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen à notre époque, rahimahullah ta'ala. ولا يستثنى من ذلك n'est exclu de cela que les animaux qui ont été rapportés dans le hadith authentique. ولا يستثنى من ذلك الا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروه عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأه والعقرب والفأرة والكلب العقور sauf quatre animaux qui sont cinq afwan que l'on a le droit de tuer et qui sont cités dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cinq animaux étant dangereux ou sortant fawasir, on avait déjà donné l'explication du terme fawasir, c'est-à-dire qu'ils sortent dont le jugement ne concerne pas l'ensemble des autres animaux. Ils peuvent être tués fil hilli wal haram. Ils peuvent être tués dans l'enceinte de l'inter sacré ou en dehors, ou que la personne soit en état de sacralisation ou non. Al-Ghurab, le corbeau, ou Al-Hida'ah, l'aigle ou le milan, ou Al-Aqrab, le scorpion, ou Al-Fa'rah, la souris, ou Al-Kalb ou Al-Aqour. Et tous les animaux féroces qui peuvent s'attaquer aux animaux ou aux humains. قال والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء فيه. Donc, Al-Hafidh Ibn Kathir dit, et l'avis de la plupart des savants, c'est que celui qui le fait de façon volontaire ou que celui qui l'oublie sont identiques dans l'obligation de donner une compensation ou dans l'obligation de réparer leur erreur. وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. Et الزهري رحمه الله a dit que la preuve que la compensation doit être donnée pour celui qui l'a fait de façon volontaire réside dans la preuve, elle est dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا, celui d'entre vous qui le tue délibérément. وَجَرَتِ السُّنَّةُ عَلَى النَّاسِ, et concernant celui qui l'a oublié, il y a des preuves dans la sunna. Mais ici, il faut comprendre dans la sunna la parole des compagnons et non la parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, car il n'y a pas de preuve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a oublié doit donner une compensation. Wa ma'na hadha anna al-Qur'an dalla ala wujub al-jaza'i ala al-mu'tamid wa ala ta'fimihi. بقوله تعالى ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. Et le Coran prouve, ou il y a dans le Coran la preuve qu'il est obligatoire de donner une compensation pour celui qui l'a fait de façon volontaire, mais également il y a une preuve qu'il a fait un péché. Car Allah Azza wa Jalla dit liyadhuqa wabala amri, afin qu'il ressente la mauvaise conséquence de son acte, c'est-à-dire qu'il a fait un péché. Wa ja'at as-sunnah min ahkam an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ahkam ashabihi bi wujub al-jaza'i fi al-khata' كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف. Et donc il dit, et la sunna parmi les jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les jugements de ses compagnons radiallahu anhum sur l'obligation de compenser dans l'erreur, de compenser lorsque la personne a chassé, a tué un animal dans, par erreur, comme cela, comme le Coran a est une preuve pour celui qui l'a fait de façon volontaire. Puis il dit, وَأَيْضًا, de même que celui qui tue, de tuer un gibier est une perte, et la perte doit être réparée, qu'elle soit faite de façon volontaire ou par oubli. Mais la différence intervient sur le péché, celui qui l'a fait de façon volontaire. والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان لكن المعتمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. Donc la perte doit être compensée, qu'elle soit faite de façon volontaire ou par oubli. La différence intervient sur le péché, celui qui l'a fait de façon volontaire a commis un péché, quant à celui qui l'a fait par erreur n'est pas blâmé. قال وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له من مثل إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي وأما إذا لم يكن الصيد مثيلا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة رواه البيهقي. Et Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, dit, et quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, il doit donner, il doit compenser par un animal semblable parmi les animaux de troupeau, il y a une preuve de ce qu'on dit Al-Imam Malik, Al-Shafi'i, Al-Imam Ahmad et la plupart des savants, ou la majorité des savants, quant à l'obligation de donner comme compensation l'équivalent de ce qu'il a tué, de ce que le musulman, c'est-à-dire haram, a tué comme bête lorsqu'il a un semblable parmi les animaux domestiques. Et s'il n'a pas de semblable parmi les animaux domestiques, alors Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a jugé que cette personne devait donner l'équivalent de cette bête et de le donner à la Mecque, rapporté par Al-Bayhaqi et cité dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. C'est clair ou pas? Amthila min hukumati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi fil mithli. Donc des exemples des jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons sur les bêtes équivalentes. عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. Donc selon Jabir رضي الله عنه, il dit, j'ai demandé au prophète صلى الله عليه وسلم concernant الضبع ou الضبع. Qu'est-ce que c'est qu'الضبع? نعم, la yen. أحسنت, le yen, la yen, la yen. فقال, le professeur Asim a dit, هو صيد, c'est un gibier. ويجعل فيه كبش, et celui qui l'a tué doit donner en compensation un bélier. إذا صاده المحرم, lorsque celui qui est en état de sacralisation l'a chassé. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc celui qui chasse une hyène doit donner en compensation, doit sacrifier à la Mecque un bélier. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé de consommer la hyène. Qu'il est autorisé de manger de la hyène. À la Kulihal, il y a une divergence des savants à ce sujet, mais l'avis le plus sûr, Allahu A'lam, comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est que il est autorisé de consommer la hyène. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-dab'u yu'kal. Al-dab'u yu'kal. La hyène se mange. Wa an Jabir anna Umar ibn al-Khattab qada fi al-dab'i bi kabshin wa fi al-ghazal bi 'anaz wa fi al-arnab bi 'anaq wa fi al-yarbu'i bi jafrah. حديث صحيح رواه مالك والبيهقي. Et selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, il dit que Omar radiallahu anhu a jugé sur une hyène qui a été tuée qu'il devait être compensé par bikabshin, par un bélier. Wafil ghazal bi anaz. Et il a jugé sur une biche qu'elle devait être compensée par بعنز فالمشيف وفي الأرنب بعناق et il a jugé que le lapin chassé devait être compensé par بعناق بعناق c'est une chevrette العناق c'est une chevrette c'est une chèvre de bas âge وفي اليربوع بجفرة. Al-Yarbu'a. Qui connaît Al-Yarbu'a? Non? Al-Yarbu'a en français c'est la gerboise. Qui connaît la gerboise? Non, c'est? Un petit animal petit, non que comme un kangourou. C'est un petit kangourou. Non? Il ressemble à quoi? Non? À une souris. C'est un animal qui ressemble à une souris, mais il a deux particularités. La gerboise a deux particularités. La première, comme l'a dit le frère, c'est un animal qui a une grande queue. Qui a une grande queue et au bout de cette queue, il y a des poils. Et la deuxième particularité, c'est qu'elle a des grandes pattes. C'est comme une souris, sauf qu'elle a des grandes pattes et qu'elle a une grande queue et au bout de cette queue, il y a des poils. Et le Omar ibn Khattab a jugé pour celui qui a tué une gerboise de donner en compensation Jafra. Et Al-Jafra, c'est une petite chèvre de 4 mois. C'est une petite chèvre de 4 mois. C'est la Al-Jafra est plus petite que Al-Anaq. Les savants disent que Al-Jafra, c'est celle qui a 4 mois et qui a été séparée de sa mère. C'est la chèvre qui est âgée de 4 mois et qui a été séparée de sa mère. Et il y a un autre animal qui a été jugé par des compagnons de l'Anhum, que l'auteur n'a pas cité. Anna as-sahaba hakamu fi an'amati bi budna. Ils ont jugé pour une autruche. De donner en compensation, de dégorger en compensation un chameau. Et l'explication qui a été donnée, c'est que la ressemblance qui a été trouvée entre l'autruche et le chameau sur la longueur du cou. Sur la longueur du cou, et que la bête parmi les animaux de troupeau qui ressemble le plus à l'autruche, c'est le chameau. وعن ابن عباس أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاه صحيح رواه البيهقي. Et selon Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه qu'il a jugé que pour tout pigeon du haram présent à la Mecque qui est tué par celui qui est en état de sacralisation ou non, que pour chaque pigeon tué, il doit donner en compensation une brebis. Pour chaque pigeon de la Mecque tué, il doit donner une compensation, il doit égorger une brebis à la Mecque en guise de compensation. Donc ici, il y a trois cas. Soit la bête, l'animal que tu as chassé, a une ressemblance parmi les animaux de troupeau. Dans ce cas, tu sacrifies cet animal à la Mecque. Soit il n'a pas de ressemblance parmi les animaux de troupeau. Dans ce cas, tu regardes si les compagnons ont donné un jugement sur cet animal. Si les compagnons du prophète sallam ont donné, si le prophète sallam ou ses compagnons ont donné un jugement sur cet animal. Comme par exemple de tuer celui qui chasse un lapin. Et ici, les savants disent que le lapin, c'est un animal qui est à la base, qui est sauvage. Et même s'il est il est apprivoisé et qu'il devient domestique, son origine reste sauvage. Donc il est interdit de le chasser. Il est interdit de le chasser même lorsqu'il est domestique et que tu es en état d'ihram. Car la base de cet animal, c'est qu'il est sauvage. Et ils ont donné l'exemple de la poule. La poule qui se sauve, c'est un animal domestique, et en se sauvant et étant livrée à elle-même, elle devient sauvage. Est-ce que tu as le droit de la chasser? Oui, car son origine est domestique et non sauvage. Donc, si tu ne trouves pas d'équivalent, ou si plutôt les deux personnes qui jugeront ne trouvent pas l'équivalent, de voir s'il n'y a pas dans la sunna du professeur Hassan ou dans les paroles de ses compagnons des animaux équivalents qui ont été jugés, ou bien alors, comme le dit Abdullah ibn Abbas, s'il n'y a pas, alors d'estimer sa valeur et de donner l'équivalent en nourriture aux pauvres de la Mecque, ou bien alors de jeûner l'équivalent au nombre de pauvres. قال ابن كثير وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة une offrande qui arrive à la Kaaba, si on traduit littéralement, c'est-à-dire une offrande qui est faite à la Mecque, أي واصلا إلى الكعبة, c'est-à-dire qui arrive à la Mecque, والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك, et la signification de arriver dans la terre sacrée, c'est-à-dire que cette bête soit égorgée là-bas. وَيُفَرَّقُ لَحْمُهُ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ, et que sa viande soit partagée ou soit distribuée aux pauvres de la terre sacrée de la Mecque. وَهَذَا أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ, et ceci est un cas dans lequel les savants sont tous d'accord. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما, et la parole d'Allah Azza wa Jal, ou bien alors de nourrir des pauvres ou l'équivalent en jeûne, c'est-à-dire أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام لظاهر أو فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول أو مثله ثم يشترى به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه وإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما انتهى بتصرف. Donc l'imam Kathir رحمه الله explique la parole d'Allah عز وجل, ou bien de nourrir des pauvres, ou bien l'équivalent en jeûne, c'est-à-dire que lorsque celui qui est en état de sacralisation n'a pas trouvé l'équivalent parmi les bêtes de troupeau, ou que la bête qu'il a tuée ne fait pas partie des bêtes qui ont des bêtes semblables parmi les autres, ou bien si l'on considère qu'il a le choix, c'est-à-dire qu'il a le choix soit de tuer une bête, de sacrifier une bête semblable, soit de jeûner ou soit de nourrir. Les zahiri aw, et ceci car l'on prend la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit ou qui dans lequel on comprend que c'est le choix. Et dans ce cas-là, il doit alors donner l'équivalent. La bête qu'il a tuée doit être estimée. Puis, il doit acheter avec l'argent estimé de la nourriture qu'il donne en aumône. Et il donne, en aumône à des pauvres, et il donne à chaque pauvre un moud. Il donne à chaque pauvre l'équivalent d'un moud. Et fa'il lam yajid, s'il ne trouve pas de pauvre, ou si il a choisi de jeûner, alors qu'il jeûne pour chaque pauvre nourri un jour. Alors qu'il jeûne pour chaque pauvre nourri un jour, intaha bitasarruf. Bitasarruf, ça veut dire, yani l'auteur dit, yani il clôt la parole de Al-Hafid ibn Hajar, ou ce qu'il a apporté de Al-Hafid ibn Kathir, il clôt la parole de l'imam ibn Kathir en disant bitasarruf. Ça signifie non, fin de citation, c'est intaha. Intaha, c'est fin de citation. Mais bitasarruf. Approximativement. Yani, il a apporté quelques modifications en enlevant quelques phrases sans pour autant changer le sens. Et il est autorisé de prendre des citations d'un livre, de modifier légèrement ce que tu as pris, ou la citation que tu as choisie. Si tu as enlevé quelques paroles ou que tu as avancé des phrases par rapport à d'autres, tu as le droit de le faire à condition de le stipuler. Jaza'u al-wat'i fil hajj. Quelle est la compensation que doit donner celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant le hajj? Wa man wata'a fil hajj qabla at-tahallul al-awwal faqad fasada hajjuhu kama sabaq wa 'alayhi budnah. فإن وطأ بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه شاه ولا يفسد حجه. Donc celui qui a des rapports avec son épouse pendant le pèlerinage avant le premier tahallul, avant la première autorisation qui a lieu quand la première tahallul الأول a lieu non après avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd. Donc celui qui a eu des rapports avec son épouse avant d'avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd, son pèlerinage est nul et il doit donner en compensation Boudna qui est une chamelle. Et si il a eu des rapports avec son épouse après le premier tahallul, c'est-à-dire après avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd, wa qabla al-thani, et avant le second tahallul, qui lui a lieu après tawaf al-ifada, Donc celui qui a eu un rapport avec son épouse après le premier tahallul, mais avant le second, car le premier est une autorisation mineure qui t'autorise toute chose sauf d'avoir des rapports avec ton épouse. Et la seconde autorisation, qui elle est totale, qui t'autorise tout, même ton épouse. La première a lieu après la lapidation de la grande stèle le jour de l'Aïd, et la seconde a lieu après que la personne ait fait le tawaf de l'Ifadra. Donc celui qui a eu des rapports avec son épouse avant le second tahallul, il doit donner en compensation ou sacrifier en compensation une brebis. فَعَلَيْهِ شَاتٌ وَلَا يَفْسُدُ حَجُّهُ. Et son pèlerinage, la validité de son pèlerinage n'est pas remis en cause. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٍ وَهُوَ بِمِنَى قَبْلَ أَنْ يَفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بُدْنَهُ. Donc sur l'Abdullah ibn Abbas, il était questionné sur un homme qui a eu des rapports avec son épouse lorsqu'il était en état de sacralisation, lorsqu'il était à Minan, avant d'avoir fait le tawaf de l'Ifarda. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, lui a ordonné de sacrifier une chamelle. C'est une parole d'Abdullah ibn Abbas qui est authentifiée par Cheikh l'Albani, rahimallah, dans son livre « Irwa ul-Ghalil ». وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فاسأله. قال فلم يعرف الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك. فقال الرجل فما أصنع؟ قال أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج واهدي. فحج واهدي فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو. وزي في عبد الله عبيد سي عبد الله نعم سي سي عبد الله بن عمرو dans les deux c'est une erreur de non c'est عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو العاص. وأنا مع c'était vérifié hein, c'était vérifié dans l'origine de, du livre dans le Sunan al-Bayhaqi. C'est pas Ubaydillah ibn Amr, mais c'est Abdullah ibn Amr. فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله. قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمر وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت؟ فقال قولي مثل ما قال مثل ما قال. أثر صحيح رواه البيهقي. Donc Shu'aib a dit, donc Shu'aib qui était l'intéressé dans l'histoire ou celui qui raconte l'histoire, qu'il a raconté à son fils Amr. Donc Shu'aib a dit, et cet homme ne le connaissait pas, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar, فذهبت معه, je suis parti avec lui. Il a questionné Abdullah ibn Umar qui lui a dit batal hajjuk, a batal hajjuk, ton pèlerinage est nul. Et cet homme a dit à Abdullah ibn Umar, que dois-je faire? Il lui a dit, sors avec les gens, fais ce qu'ils font, et l'année suivante, fais ton pèlerinage et sacrifie, et fais ton sacrifice. Et il sacrifie ta bête. Faraja'a ila Abdullah ibn Amr. Et cet homme est retourné chez Abdullah ibn Amr, qui est le premier qui l'a questionné. Vous suivez ou pas? Vous suivez? Et Shu'aib était toujours avec cet homme. Fa'akhbarahu, il lui a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr, idhhab ila ibn Abbas, fasalhu. Donc cet homme est revenu vers Abdullah ibn Amr pour lui reposer la question. Il lui a dit, cette fois-ci, va questionner Abdullah ibn Abbas. Et Shu'aib a dit, je suis parti avec lui vers Abdullah ibn Abbas et il l'a questionné. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit la même chose que Abdullah ibn Umar. Et cet homme est donc retourné chez qui? Chez Abdullah ibn Amr. Et Shu'aib était en sa compagnie. فأخبره بما قال ابن عباس. Il lui a informé de ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Puis a dit, quel est ton avis? Ou que dis-tu? Ou quelle est ta position sur ce sujet? فقال, il a dit, ma parole est la même que la parole des deux, c'est-à-dire de Abdullah ibn Umar et de Abdullah ibn Abbas. وعن سعيد بن جبير أن رجلا أهل هو وامرأته وامرأته جميعا بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن تقصر. فسأل ابن عباس عن ذلك فقال إنها لشبقة. فقيل لا إنها تسمع فاستحي من ذلك وقال ألا أعلمتموني؟ وقال لها أهرقي دما. قالت ماذا؟ قال انحري ناقة أو بقرة أو شاة. قالت أي ذلك أفضل؟ قال ناقة. Et selon Saïd ibn Jubayr, qu'un homme, lui et sa femme, ont fait At-tahallulu bil-umrah, c'est-à-dire ils ont fait l'intention de faire la umrah. Faqadat manasikaha illa at-taqsir. Elle a fait tous ses rite sauf de se raccourcir les cheveux. Donc là, on parle de la Umra. فغشيها قبل أن تقصر. Et son mari a eu des rapports avec elle avant qu'elle ne se coupe les cheveux. Et pendant la Umra, ce qui t'autorise ou ce qui fait que tu sors de l'état de sacralisation, c'est الحلق أو التقصير. C'est le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux. Et Abdullah ibn Abbas a été questionné sur cela et il a dit إِنَّهَا لَشَبِقَ. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de désirs en parlant de cette femme. فَقِيلَ لَا. Il lui a été dit إِنَّهَا تَسْمَعَ. Elle entend فَاسْتَحْيَ مِنْ ذَلِكَ. Il a eu honte de cela. C'est-à-dire Abdullah ibn Abbas وَقَالَ أَلَا أَعْلَمْتُمُونِ. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? C'est-à-dire qu'elle écoutait. وَقَالَ لَهَا. Il lui a dit أَهْرِقِ دَمًا. Sacrifie une bête. قالت ماذا. Elle lui a dit quelle bête dois-je sacrifier? Et Abdullah ibn Abbas lui a dit sacrifie une chamelle ou bien une vache ou bien une brebis. قالت أي ذلك أفضل. Elle a dit lequel de ces animaux est le meilleur. Il lui a répondu la chamelle. Athar authentique apporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. نعم. ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. Donc le terrain est celui qui ne trouve pas de chamelle ou bien de brebis à égorger alors qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 lorsqu'il retourne chez lui. لقوله تعالى la preuve et la parole d'Allah عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Celui qui a fait التمتع entre la umra vers le hajj ou de la umra vers le hajj alors qu'il sacrifie un hadi, et celui qui ne le trouve pas, alors qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage, et 7 lorsqu'il retourne. والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن لم يفعل جاز له صوم أيام التشريق، لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أثر صحيح رواه البخاري. Donc celui qui ne trouve pas de bête à égorger ou celui qui ne peut pas égorger, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et il doit jeûner 7 jours lorsqu'il retourne chez lui. Et ici l'auteur dit le mieux est de jeûner et de précéder أن يقدم الصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة. Ici l'auteur dit que le mieux est de jeûner ces 3 jours avant le jour de Arafa. Avant le jour de Arafa. Et s'il ne peut pas ou s'il ne fait pas, il lui est autorisé de jeûner les 3 jours de Tashriq qui sont le 11e, 12e et 13e jour de Dhul-Hijjah. La preuve est la parole de Abdullah ibn Umar et de Aisha radhiyallahu anha qui dit qu'il n'a été autorisé que les 3 jours de Tashriq ne soient jeûnés que pour celui qui n'a pas trouvé de bête à sacrifier. تنبيه ومثل الرجل في هذا المرأة سواء بسواء غير أنها إذا كانت مكرهة في وضعها فلا هدي عليها وأيضا فإن حجها صحيح بخلاف حج زوجها الواطي. Il y a ici une remarque, c'est que ce jugement est valable pour l'homme comme pour la femme. C'est identique, les deux sont identiques dans ce jugement. Sauf que lorsque la femme a été contrainte par son mari, alors elle n'a pas de bête à sacrifier et son pèlerinage est valide, contrairement à son mari qui lui a son pèlerinage annulé et qui doit donner une compensation et qui doit égorger en compensation une chamelle. C'est clair ou pas ? وعن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال وقعت على امرأتي قبل أن أزور فقال إن كانت عانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعونك فعليك ناقة حسناء جملاء أثر صحيح رواه البيهقي. وسنو سعيد بن جبير رضي الله عنه الجي qu'un homme est venu vers Abdullah ibn Abbas et lui a dit « J'ai eu des rapports avec mon épouse avant d'avoir « qabla an azur » qui signifie ici « qabla an azur » يعني « an atoufa tawaf al-ifada » « qabla an atoufa tawaf al-ifada » J'ai eu des rapports avec mon épouse avant d'avoir fait le tawaf de l'ifada. « Faqala » et Abdullah ibn Abbas a dit « Si elle t'a aidé dans cela, alors pour chacun de vous, vous devez sacrifier une chamelle qui est exempte de tout défaut. »« Wa in kanat lam tu'inka fa'alayka naqatun hasna ajamla » Et si elle ne t'a pas aidé dans cela, autrement dit, si tu l'as forcé et contraint à faire ceci, alors tu dois, toi, donner ou sacrifier une chamelle qui est exempte de tout défaut. Ad-dima'u fil hajj. Ad-dima'u fil hajj, c'est-à-dire les bêtes qui doivent être sacrifiées pendant le pèlerinage. Awwalan damu at-tamattu'i wal-qiran. أولا دم التمتع والقران وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبى بحج وعمرة قارنا بينهما لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. la première bête à sacrifier, c'est pour celui qui est en état de tamattu', celui qui a choisi le rite du tamattu' ou bien du qiran. Et c'est la bête que doit sacrifier tout pèlerin qui a fait la talbiya de faire une umrah qu'il fera suivre du pèlerinage, ou bien celui qui a fait l'intention d'accomplir, ou celui qui a eu l'intention d'accomplir le Hajj et la Umrah, les deux ensemble, qui est le Qiran. Vous vous rappelez de la différence entre At-Tamattu' al-Qiran et al-Mufrid ou al-Ifrad? Non. At-Tamattu' en fait, Umrah, celui de le Tahlil, de sa civilisation. Non. Donc, At-Tamattu', c'est lorsqu'une personne fait sa Umrah pendant les mois du Hajj. Pendant les mois du Hajj, une personne qui fait sa Umrah, puis qui sort de son état de sacralisation et reste à la Mecque en attendant le 8e jour de Dhul Hijjah, et le 8e jour de Dhul Hijjah rentre dans l'état de sacralisation avec l'intention d'accomplir son hajj. Et le Qiran? C'est l'Umrah. Non. Le Qiran, c'est quoi le Qiran? En fait, c'est de faire la hajj et l'Umrah sans sacralisation. Non, c'est de rassembler. Le Qiran, c'est de rassembler le hajj et la Umrah. Et celui qui veut faire le Qiran, lorsqu'il rentre à la Mecque en état de sacralisation, il doit avoir sa bête avec lui. Il doit apporter avec lui la bête qu'il va sacrifier le 10e jour de Dhul Hijjah. Puis il fait le premier tawaf qui est tawaf al-Qudum. et il a le choix soit de faire le sa'i maintenant ou bien le dixième jour de Dhul-Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a fait le sa'i lorsqu'il est arrivé. Il a fait le tawaf, qui est tawaf al-qudum, puis il a fait le sa'i et est resté dans l'état de sacralisation, d'accord, jusqu'au huitième jour de Dhul-Hijjah, où il a fait les rites qu'il devait faire. Et le dixième jour, le jour de l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu à la Mecque pour faire tawaf al-ifada. Tawaf al-ifada. Et auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sacrifié les bêtes qu'il avait apportées avec lui. Et le dixième jour, il n'a fait que le tawaf et non le sa'i. Car la umra, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dakhalat al-umratu fi al-hajj ila yawm al-qiyamah. Car la umra fait partie du pèlerinage, et ceci jusqu'à la fin, jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement. Donc, al-qiran, c'est le fait de rassembler le hajj et la umra. Et al-qiran, c'est al-ifrad atwan, c'est le fait de faire uniquement le pèlerinage. Et les savants disent que la différence entre al-ifrad et al-qiran intervient uniquement dans le fait que al-qiran apporte avec lui la bête à sacrifier. Quant à al-mufrid, celui qui fait l'ifrad, lui n'apporte pas de bête avec lui. Il n'apporte pas de bête avec lui. Donc, pour cela que l'auteur dit, les bêtes à sacrifier concernent al-tamattu et al-qiran. Elles ne concernent pas al-ifrad ou al-mufrid, afwan, car il n'a pas de bête à sacrifier. Et celui, donc Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Celui qui a fait al-tamattu d'une umra vers un hajj ou dans un hajj, eh bien, qu'il sacrifie ce qu'il peut comme bête. طيب. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Celui qui ne peut pas, qu'il jeûne alors 3 jours et 7 lorsqu'il revient. Qu'il jeûne 3 jours, est-ce que ces 3 jours doivent être successifs? Ou est-ce qu'il peut les faire séparément? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit successif? Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, qu'il jeûne 3 jours. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit 3 jours consécutifs. Lorsque Allah Azza wa Jalla veut que ce soit consécutif, il le dit. Concernant celui qui a tué un croyant par erreur, qu'est-ce que ça Allah Azza wa Jalla dit? فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, qu'il jeûne 2 mois consécutif. Deux mois consécutifs. Donc, il doit jeûner 3 jours et les savants disent qu'il doit les jeûner avant Ayyam al-Tashriq. Que la dernière limite, c'est Ayyam al-Hajj, ce sont les jours du Hajj. Et les jours du Hajj se terminent lorsque le dernier jour de Tashriq se termine. Donc, la personne, comme on a dit, le mieux est de jeûner avant le jour de Arafah, avant le jour de Arafah, au moment où il entre en Umrah, pour celui qui est en Tamattu' ou en Qiran. Il a le droit de jeûner ces 3 jours au moment où il est en état d'Ihram. Et certains savants ont dit que non, cela n'est pas autorisé, car Allah Azza wa Jalla dit فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. Et cette personne qui le fait lorsqu'il entre en Umrah le fait pendant la Umrah. Allah Azza wa Jalla dit pendant le Hajj. Et les savants ont répondu parmi le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dakhalat al-umratu fil hajj, que la umra est inclue dans le Hajj, et ceci jusqu'au jour du jugement. Donc il est autorisé pour celui qui sait d'avance qu'il n'a pas les moyens d'acheter une bête à sacrifier et qu'il sait qu'il ne pourra pas sacrifier de bête, il a le droit de jeûner ces 3 jours au moment où il est en état d'ihram pour la umra. Et ceci jusqu'au troisième jour parmi les jours de Ayyam al-Tashriq. Donc celui qui retarde son jeûne jusqu'au premier jour de, des jours de Tashriq, dans ce cas, il doit jeûner 3 jours consécutifs. Il doit jeûner 3 jours consécutifs. Thaniyan damul fidya alladhi yajibu ala al-hajj idha halaqa sha'rahu li maradin aw shay'in muhdhin li qawlihi ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Et la seconde bête à sacrifier, c'est celle que sacrifie, celle qui est sacrifiée pour compenser. Pour celui, c'est une bête qui est obligatoire pour le pèlerin qui a rasé sa tête ou a coupé ses cheveux par cause de maladie ou parce que cela lui portait atteinte. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui d'entre vous qui est malade ou qui a un mal dans sa tête ou qui a une maladie dans sa tête, dans ses cheveux, alors qu'il donne comme compensation un jeûne ou bien une aumône ou bien une bête à sacrifier. ثالثا دم الجزاء وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا أما صيد البحر فلا شيء منه عليه وقد سبق قريبا الكلام عن هذا الدم. La troisième bête à sacrifier, c'est celle qui est sacrifiée pour compenser ou pour réparer l'erreur qu'aurait faite un pèlerin, ou celui qui a des harams, ou celui qui ne l'est pas, mais qui a chassé dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque, il doit donner en compensation une bête semblable à, parmi les bêtes de troupeau, à celle qu'il a tuée. Ou à celle qu'il a chassée à fond. Donc ça, on a vu les détails de ceci précédemment. Rabi'an damu al-ihsar wa yakunu bisababi inhibasihi an itmam al-manasik li maradin aw aduwin aw ghayri dhalik wa la yakunu qad ishtarata 'inda ihramihi li qawlihi ta'ala fa in ihsartum kama staysara min al-hadi. Quatrièmement, c'est la bête qui est sacrifiée lorsque la personne est bloquée, lorsque la personne est stoppée et ne peut plus poursuivre son pèlerinage. Et la chose qui le bloque ou qui le stoppe peut être une maladie ou bien un ennemi ou toute autre raison qui justifierait le fait qu'il ne puisse plus continuer son pèlerinage. وَلَا يَكُونُ قَدْ اِشْتَرَطَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ. Sans qu'il n'y ait fait un ishtirat au moment de son l'ihram. Et quel est l'ishtirat? Qu'est-ce que l'ishtirat? C'est le fait de poser comme condition pendant, lorsque la personne rentre en état de sacralisation. On avait cité la formule qu'il faut dire, que le professeur Hassan nous a enseigné. Allahumma mahilli haythu habastani. Donc le professeur Hassan nous a appris de dire Allahumma mahilli haythu habastani lorsque l'on fait la talbiya pour la umra ou pour le hajj, de dire oh Allah, je sors de mon état de sacralisation dans l'endroit où tu m'auras arrêté, au moment où tu m'auras arrêté et stoppé. Donc celui qui a fait al-ishtirat, qui a dit cette parole au moment de la prononciation de l'intention d'entrer dans le rite du la Umrah ou du pèlerinage, celui qui a fait l'ishtirat et qui est bloqué et arrêté, est-ce qu'il a une fidya à donner? Est-ce qu'il a une bête à sacrifier? Non, car il a fait l'ishtirat. Quant à celui qui n'a pas fait l'ishtirat, qui a seulement dit la baik Allahumma bi Umrah, ou a dit la baik Allahumma hajjatan wa Umrah, ou la baik Allahumma bi Hajjah, et s'est contenté uniquement de ça, et qui est tombé malade par la suite, l'empêchant de continuer son pèlerinage, il doit sacrifier une bête pour compenser ce manque. خامسا دم الوطئ وهو دم يفرض على الحاج إذا وطأ أثناء حجه وقد سبق قريبا. Et la cinquième bête à sacrifier, c'est celle qui doit être sacrifiée par le pèlerin qui a eu des rapports avec son épouse pendant la période du Hajj, avant le grand tahallul ou bien non après le, avant le grand ou avant le petit, les deux. Dans les deux cas, il a une bête à égorger. Dans le premier cas, il a une chamelle, et dans le second, une brebis. Et il y a un sixième cas que l'auteur n'a pas cité car il considère que car il n'est pas de cet avis, c'est pour celui qui a délaissé une obligation du pèlerinage. Celui qui a délaissé une obligation de la Umra ou du pèlerinage, la majorité des savants considèrent qu'il doit donner en compensation une brebis, qu'il doit égorger une brebis en compensation. Et j'utilise pour cela la parole de Abdullah ibn Abbas, « Man tawakan rusukan fa'alayhi dan ». Et j'utilise la parole d'Abdullah ibn Abbas qui est authentique, qui dit que celui qui délaisse une obligation, il doit la compenser par le sacrifice d'une bête. Et ce n'est pas l'avis de l'auteur, c'est pour cela qu'il n'a pas cité, c'est pour cela Afwan qu'il ne l'a pas cité en sixième point. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك